بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، vu que nous avons terminé Salat Istikhara, il convient de suivre Salat Istikhara avec deux sujets très importants, à savoir l'étude du destin et à savoir aussi une analyse et une interprétation du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud du Futus qu'avait fait Cheikh l'Uthaymin rahimahullah ta'ala. Nous allons commencer avec le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ardah, selon l'interprétation du Cheikh l'Uthaymin rahimahullah ta'ala. An Abi Abd al-Rahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين وسعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu warda est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Abi Abd al-Rahman, qui est la kunya d'Abdullah ibn Mas'ud, disait radiallahu ta'ala anhu warda que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aura dit, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le véridique qui a dit la vérité. Ce hadith porte cette mention particulière à Sadiq al-Masduq, le véridique qui a dit que la vérité. Hein? Il dit: tout un chacun de vous, sa création va se former dans le ventre, hein, de sa mère 40 jours. Et après, ça on goûte. Et après, il sera un caillou de sang 48 jours. Et après, il sera un morceau de chair, hein, 48 jours. Et après, à ce moment-là, combien de quarantaine là ? 3. Et après, à ce moment-là, l'ange va être envoyé, recevra l'ordre minallah azza wa jal pour aller souffler l'âme dans ce fœtus. Et il sera ordonné à l'ange 4 phrases. D'écrire la subsistance de cette créature qui se forme, sa vie, combien elle va durer, hein, ses actes, qu'est-ce qu'il fera, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, hein? Ce sont 4 choses avant qu'on sorte dans les ténèbres des matrices de nos mères. Ceci est écrit. Et avant cela, il est écrit où? Dans le destin, hein? Dans l'écriture du destin qui a eu lieu quand? 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, hein? Donc ça, à ce moment-là, c'est une partie qui sort de ce destin que l'ange va connaître, hein, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: par celui qui tient mon âme, par celui qui est le seul digne d'être adoré, que quelqu'un parmi vous fait les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui ou le paradis juste un empan. La situation se renverse, il met en application les actes des gens de l'enfer, et il va en enfer. Parce que le destin, ce qui était destiné était ainsi. Ce qui était destiné, était ce qui est écrit, dans le Lawh al-Mahfouz, c'était ainsi que ça doit être. Et quelqu'un parmi vous, il œuvre avec les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'un empan, et la situation se renverse, et il met en application les actes des gens du paradis, il rentre au paradis, parce que dans le destin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, c'était ainsi. يقول الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فيؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقينه وسعيد يرد فيه إشكال حيث جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أطره فليصل رحمه فيفهم منه أن الأجل يتمدد dit حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. Dans ce hadith où il est dit, et il est ordonné à l'ange d'écrire quatre phrases, quatre mots, la subsistance de la personne, sa vie et ses actes, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Il a dit là, ça amène une petite ambiguïté par rapport à un autre hadith dans lequel il dit celui qui aimerait que sa vie, que sa subsistance grandisse et que sa vie s'allonge, qu'il entretient sa relation familiale. Il dit, partant de ce hadith, on comprend que la vie de la personne s'allonge. Fait quoi le cheikh ? Ou le jawab, annahu muhaddad. وأن من كتب له أن يموت في مدة معينة فإنه لا يتعداها ولا ينقص عنها وأن من وصل رحمه فقد كتب له في الأصل أنه واصل وأن أجله محدود والفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام من أحب هي حتى الناس على صلة الرحم ليكتب له هذا كغيره من الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها. Il dit رحمه الله تعالى avec cette clairvoyance et cette compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé. Il dit la réponse c'est que l'âge de la personne il est limité. Et ce la personne dont il lui écrit de mourir à telle date, mais il va pas la dépasser. Et ça va pas diminuer non plus. Et il dit aussi, celui qui entretient sa relation familiale, ceci est écrit aussi. L'origine du destin, dans Lawh al-Mahfouz, ceci est écrit. Et il est écrit qu'il sera parmi ceux qui entretiennent leur relation familiale, mais sa vie, ce qu'il va passer dans ce bas monde, est écrit aussi, décrété aussi. Mais il dit, mais ce qu'il faut retenir de la parole du prophète, c'est qu'il a dit, celui qui aimerait, c'est-à-dire que la parole du prophète, c'est pour inciter les gens à entretenir leur relation familiale. Pour que cet entretien de relation familiale est un moyen, pour que ce soit inscrit pour lui, cet entretien de ce moyen, qui est le fait d'entretenir la relation familiale, et qu'il en découle, ce qui découle d'un moyen. Tout un moyen ramène quelque chose. La relation familiale ramène quoi? Le fait que la subsistance soit plus large et que la vie plus longue. Mais ceci est écrit auparavant, il n'y a pas de problème. Dans ce qui est décrété par Allah, dans le destin décidé 50 000 ans avant la création et des cieux de la terre, et dans l'écriture de ce destin, et dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, tout ceci existe déjà. Mais le hadith du prophète t'incite à quoi? À œuvrer, à entretenir la relation familiale, à utiliser ce moyen pour que tu hérites de la chose qui va faire en sorte de profiter des choses qui découlent de ce moyen. Et donc, et la personne qui entretient sa relation familiale, est-ce que ce n'est pas écrit déjà dans le destin? C'est déjà écrit dans le destin. وفي هذا الحديث أيضا يقول وفي هذا الحديث أيضا أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل الصالح والسيء لأن كلمة عمل مفرد مضاف وهو يكون عليكم السلام ورحمة الله للعموم والدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فكلمة نعمة مفرد وكلمة لا تحصوها تدل على أنه مفرد يعم الجميع يعم الجمع فكل مفرد مضاف يفيد العموم عليكم السلام ورحمة الله. Dans ce hadith, il y a aussi que les actes du fœtus sont écrits. Ils rentrent dans les actes de ce futur être humain. La bonne œuvre et la mauvaise œuvre, tous les deux rentrent dedans. Car le terme œuvre, indéfinissant l'article défini, est un singulier attribué. Et le singulier attribué chez les hommes de science, cela implique le général. Ça veut dire que l'acte, quand il dit acte, sans qu'il soit accompagné de l'article défini, ça veut dire que ça englobe, c'est général. Et ici, l'amal, amaleux, et à l'indéfini, ça veut dire que c'est une expression du général. La bonne œuvre et la mauvaise œuvre sont inscrites. La preuve, on est cette parole d'Allah, comme quoi le singulier attribué et signifie, rentre dedans à la signification générale du terme. Et si vous comptabilisez le bienfait d'Allah, vous n'allez pas le comptabiliser. C'est-à-dire, ni'ma ici, il est là sans article défini, à l'indéfini. Et ce terme, ni'ma, ça veut dire tous les bienfaits. Si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Donc, et le terme ni'ma qui est singulier, ça recouvre, rentre dedans tous les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, partant de là, les hommes de science, dont pour eux, le singulier attribué, sa signification, c'est-à-dire qu'il concerne toujours le général. C'est-à-dire un acte, l'acte à l'indéfini comme ça, employé dans la phrase, et Ada, ça veut dire tous les actes, bons et mauvais, vont rentrer dedans. En général, tous les actes. يقول الشيخ وعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Et les œuvres de la personne, l'œuvre de la personne, toute l'œuvre que fera à une personne, est écrite avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, la rencontre dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été est écrite dans le Lawh al-Mahfoud déjà. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله في هذه الدنيا من أعمال الدنيا والآخرة هل هو شيء مستأنف أو شيء قد فرغ منه فأخبر أنه قد فرغ منه وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Et quand on a posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur ce que nous œuvrons dans ce bas monde, parmi les actes de ce bas monde et parmi les actes qui concernent l'au-delà, on dit est-ce que ce sont des actes, c'est déjà fini, c'est déjà connu, ou là c'est quelque chose qu'on fait et de nouveau et qui n'est pas connu. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont déjà des actes connus, ça veut dire ils sont déjà dans le destin. Ce que vous faites est déjà prescrit dans le destin. Il dit, alayhi salatu wassalam, tout un chacun de vous, sa place est désignée au paradis ou à l'enfer. Sa place est déjà désignée au paradis ou à l'enfer. Ils ont dit à Rasulallah, Donc dans ces cas-là, on ne fait rien. On n'œuvre pas. On ne fait rien du tout. Et on attend ce qui va arriver, ce qui est inscrit dans le destin. On attend notre destin. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Œuvrez, parce que tout un chacun lui sera facilité la chose pour laquelle il a été créé. S'il fait partie des gens du bien, la facilité du bien lui sera, les portes du bien lui seront ouvertes. S'il fait partie des gens du mauvais côté, du mal, ben, le mal lui sera facilité. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, œuvrez parce que tu ne sais pas ce qui va arriver tout à l'heure. Tu le sais que quand tu es dedans, et comme tu ne sais pas si ta place est au paradis ou à l'enfer, qu'une fois que tu arrives là-bas, tu es obligé de faire. Hein? Tu ne peux pas rester les bras croisés et attendre le destin, dire attends, que j'y arrive. Le destin, c'est le secret d'Allah. Tu ne connais qu'une fois que tu es dedans. Donc c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il faut croire en le destin, bon et mauvais. Mais tu ne restes pas les bras croisés, tu œuvres, il te sera facilité les choses pour lesquelles tu as été créé. Les gens du bien, leur sera facilité le bien. Les gens du mal, leur sera facilité le mal. فعملنا مكتوب يقول الشيخ فعملك مكتوب يا عبد الله ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمل لا تدري ماذا يكون لك في الغد قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الشيخ حفظه رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته دي tes actes sont déjà écrits. Mais si on te pose la question, est-ce que tu sais ce qui est écrit pour toi comme acte pour demain, est-ce que tu sais ce qui est écrit pour toi comme acte pour demain? Tu le sais? Ta réponse sera non, je ne sais pas. Et il est dit dans le verset, et aucune âme ne sait ce qu'il va gagner demain comme œuvre. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Qu'est-ce qu'il en sera pour elle, au niveau de ses œuvres, au niveau de sa subsistance, hein? Il ne le sait pas. فَإِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي فَإِنَّهُ يَبْطُلُ احْتِجَاجُكَ بِالْقَدَرِ. Et quand tu ne le sais pas, quand tu ne sais pas ce qu'il en est de demain, donc le fait de prendre, de ne rien faire, hein? Et prendre le destin comme preuve, ceci est nul. Il n'a pas lieu à avoir lieu. Tu ne sais pas. Et le fait que tu ne sais pas, et que tu prennes comme preuve le destin, hein, comme preuve pour ne pas faire, ou là pour le mal que tu as fait, etc. Hein, tu n'as pas le droit. Parce que le destin, tu ne le connais pas. Le destin, c'est le secret d'Allah. Tu le sais une fois que tu es dedans, une fois que tu l'as accompli. ولهذا أبطل الله حجة الذين يحتجون على شركهم بالقدر. فقال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annulé la preuve, hein, et l'excuse compris ceux qui ont associé à Allah azza wa jal et qui ont accompli l'association dans leur vie. Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti leur preuve quand ils ont pris le destin comme preuve. Il l'a annulé. Il est dit dans le verset, ceux qui ont associé diront, si Allah le voulait, on n'aurait pas commis d'associationnisme, ni nous, ni nos parents. Ils ne nous auraient rien interdit. Ils ne nous aurions rien interdit. Hein? Ainsi ont menti ceux qui sont passés avant eux, jusqu'à ce que notre châtiment leur arrive. Et ainsi ont fait ceux qui sont passés avant eux, en utilisant la preuve du destin Hein? Et c'est un mensonge. Et ils ont agi ainsi jusqu'à ce que le châtiment d'Allah les a atteints. ووجه إبطال هذه الحجة قوله تعالى حتى ذاقوا بأسنا. Et le point de l'anéantissement de cette preuve, il est dans la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui dit jusqu'à ce qu'ils aient senti notre châtiment. Ça veut dire que si le destin est une preuve pour vous, pourquoi vous avez reçu le châtiment? Pourquoi Allah il est châtiré? Hein? Si on doit prendre, si le destin est une preuve, pourquoi ils sont châtiés? Hein? وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حُجَّةً فِي ذَلِكَ مَا ذَاقَهُمُ اللَّهُ بَأْسًا. Et s'ils avaient la preuve dans le destin, Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient pas châtié. فَإِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا ذَا كُتِبَ لَكَ فَلَاحْتِجَاجَ لَكَ بِالْقَدَرِ. Et comme tu sais, tu ne sais pas ce qui t'a été prédestiné, donc tu n'as eu aucune preuve dans le destin. Tu ne peux pas prendre le destin pour le mal que tu fais ou par les choses que tu ne fais pas. Tu ne peux pas le prendre. C'est écrit donc je ne fais pas. Hein? Ou là c'est écrit, il était écrit pour moi que je vole ou là que je commette l'adultère. Et là, tu le sais comment? Tu ne sais pas ce qui est écrit pour toi. Hein? Donc tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas à prendre le destin comme preuve pour agir ainsi. ولهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق ولهذا تسعى في طلب الرزق والعمل كالرزق مقدور لك ولكن يجب عليك أن تسعى للعمل كما تسعى للرزق وتقوم بطاعة الله. من الله عز وجل tu ne sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné comme subsistance. C'est pour ça que tu utilises les moyens pour chercher ta subsistance. Tu travailles le matin, tu vas, tu travailles, tu cherches, etc. pour avoir ta subsistance. Ta subsistance, elle t'est destinée. Mais tu ne sais pas ce qui est. Ton destin, c'est quoi dans cette subsistance? Donc tu œuvres, tu utilises les moyens pour acquérir cette subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a destinée. Il en est de même pour tes actes, pour tes œuvres. Hein. C'est la même chose que la subsistance. C'est destiné, mais tu ne le sais pas. Donc, tu fais pour acquérir la bonne œuvre et pour acquérir les récompenses. Tu œuvres parce que tu ne sais pas. Donc, tu es obligé de faire. Quand est-ce que tu sais? C'est une fois que tu as accompli l'acte. Une fois que tu as gagné ta subsistance, que tu sais. Hein? Mais avant, tu ne le sais pas. Donc, pour tes œuvres, tu accomplis ton obéissance. Hein? On va dire non, j'attends. De toute façon, les gens du paradis sont destinés au paradis. Et ceux qui sont en enfer, ils sont chacun à sa place et tout. Ben j'attends, je ne fais rien. Non, Khalislam. C'est pas comme ça. Alors, ce soir, on a dit, œuvrez, chacun lui sera facilité la voie pour laquelle il a été créé. وكذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية الله فمن الناس من إذا أمرته بالطاعة أجابك بكلمة حق أريد بها باطل. Il en est de même, ceux qui commettent des désobéissances, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, n'ont aucune preuve dans le destin. Il est des gens, quand tu l'orientes, tu lui demandes, tu essaies de l'orienter, de lui redonner, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils te répondent avec une parole véridique, mais avec laquelle on cherche le faux. Fayaqul, nas'alullah an yahdiyana. Et il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. Wa la shakka anna l'insana yanbaghi an yas'alallah al-hidayah. Il n'y a aucun doute que l'être humain doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Lakin hada arada bi qawlihi daf'a al-lawmi 'an nafsihi. Mais celui-là qui agit ainsi, il veut, hein, qu'il ne se fasse pas critiquer, qu'il ne soit pas blâmé en étant dans le mal. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala me guide. C'est une parole véridique, mais celui-là, il cherche avec cette parole le faux. وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فِي طَلَبِ الْهِدَايَةِ لَجَدَّ فِي الْهِدَايَةِ وَعَمِلَ لَهَا. Ici, il était véridique. Dans sa demande de la guider, il aurait fait des efforts et œuvrait dans le sens de la guider. Hein? فَكَمَا أَنَّكَ لَنْ تُلْزَقَ الْوَلَدْ بِمُجَرَّدِ التَّمَنِّي بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَخُذَ بِأَسْبَابِهِ فَتَتَزَوَّجْ فَإِنَّكَ لِكَيْ تَنَالَ الْهِدَايَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَتَّجِيَ إِلَى رَبِّكَ. Et comme tu ne pourras pas avoir d'enfant en faisant tout simplement des doua, il est obligatoire pour toi, à côté du doua, qu'utilise le moyen pour avoir l'enfant, d'avoir une femme, de se marier, d'avoir une femme, etc. Hein? Pas en restant tout seul, et tu lèves les mains, je veux un enfant, tu l'auras. Tu ne l'auras pas. Il faut le moyen. Et là, on est de même pour avoir la guidée, pour être guidé. Tu t'orientes vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, فإذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى فتق أنه ما يؤتيك سبحانه أكثر من عملك. Tu t'orientes vers Allah سبحانه, ça veut dire tu demandes à Allah سبحانه وتعالى et aussi tu œuvres pour arriver à la guider. Hein? Tu ne peux pas rester dans le mal et attendre à rester dans le mal et dire Allah ihdina et tu ne fais rien. Tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'accomplis pas tes prières, tu ne fais rien du tout. C'est pas possible que ça arrive. Hein? Comme pour l'enfant, il faut se marier. Tu demandes à Allah, et en plus tu es obligé d'utiliser le moyen. Il faut que tu te maries. Hein? Et tu t'orientes vers Allah, tu œuvres, et tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner plus que ce que tu lui demandes. Plus que ce que tu mérites. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وَلَئِنْ إِسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّهُ. Et dans le hadith Qudsi, celui-là était un hadith authentique, celui qui attaque l'un de mes alliés, le wali ici, c'est quelqu'un de vertu, c'est quelqu'un qui accomplit ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Celui qui met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec preuve, et qui s'abstient des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve. Il met en application en espérant la récompense min Allah et l'acceptation d'Allah. Il s'abstient des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada al-wali. Hada l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au sens réel du terme. Et celui qui fait la guerre, là qui cherche des problèmes à mon allié, je lui déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Ça veut dire quoi, là? Agissant ainsi, il est protégé min Allah Azza wa Jalla. Il a la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi avec les choses que j'aime le plus, qui sont les obligations. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aimait le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les obligations. Les choses obligatoires. Cela te prouve qu'il y a d'autres choses qui sont aimées min Allah Azza wa Jalla. Hein? Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi avec les surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ça veut dire que si tu veux acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois accomplir les surrogatoires. Hein? Et donc celui qui veut être l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il va rester, il va dire Allah Dina, il reste dans le coin, il n'accomplit pas les obligations, il ne fait pas les surrogatoires, etc. Ça va arriver la guider comme ça? Ben non. Donc, premier pas, c'est d'accomplir les obligations. Les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, très fort, ce sont les obligations. Il les accomplit. Et après, pour acquérir l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, on accomplit les surrogatoires comme ça, ça nous prévaut l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le hadith, quand je l'aime, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il va être son oui avec laquelle il entend. Est-ce qu'Allah, il va être lui de la personne non à l'islam? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va protéger lui de cette personne et que lui de cette personne ne sera utilisé que dans le fait d'écouter le bien. Et cette lui sera détournée de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Hein? Et ça, c'est une énorme chose que lui de la personne ou l'assistance, Allah subhanahu wa ta'ala le détourne de ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'agrée pas. Dit qu'il entend un brindis de musique, tu le vois, il tremble. Ça y est, il faut qu'il... Hein, ça commence à lui faire mal. Hada, c'est quelque chose d'assez exceptionnel vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala accomplit ses croyants. Hein. La même chose quand il y a le mal à regarder, etc. Allah subhanahu wa ta'ala détourne le visage de la personne, la vue de la personne, etc. Donc, et je serai sa main avec laquelle il fait les choses. C'est-à-dire... Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas sa main. Sa main, oudu billah, c'est pas comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte, va accomplir, orienter cette personne à utiliser sa main que dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ces deux mains, ils seront utilisés dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ça, c'est une énorme guidée, min Allah azza wa jalla, est un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur. Enfin, on sait que ses pieds, hein, ils ne seront utilisés que vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ça, c'est l'accomplissement min Allah azza wa jalla. Et il est dit dans le hadith, et s'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche protection auprès de moi, je vais le protéger. Comment il a acquis tout ça? En s'acquittant des obligations et en accomplissant aussi le surrogatoire. Hada, il obtient quoi? La guidée min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que la personne avec qui te dit qu'Allah me guide, il ne fait rien, c'est une parole véridique avec laquelle il cherche le faux. Il ne peut pas y arriver parce qu'il n'a pas utilisé le moyen. Mais par contre, la personne qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide, il fait ses prières et fait ses surrogatoires, etc. Il est évident qu'il va être accompli, parce qu'il a utilisé les moyens. Hein? فانظر ما يؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك ويكون بصرك ويدك ورجلك أي يسددك في جميع أعمالك في كل ما تدركه بجوارحك وإذا سألته أعطاك وإذا استعذت به أعاذك. Regarde, médite cette situation dans ce hadith. Si tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, tu accomplis les obligations et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les surrogatoires, ce que tu vas obtenir. Hein? Ton oui sera accompli sera utilisé le fait d'écouter les bonnes choses. Ta vue la même chose, tes mains la même chose, tes pieds aussi. Ça veut dire que tout, ces sens que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et ses mains, et ses pieds, et ses membres qu'il t'a donné, seront utilisés que dans le bien. Et ça, c'est un énorme accomplissement, min Allah azza wa jal. Et si tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il te la donne. Et si tu cherches protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te protège. وثبت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ربي أنه من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة فأقبل على ربك تجد أكثر بكثير من عملك أما أن تعرض وتقول أسأل الله أن يهديني فهذا أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. Il a été confirmé aussi du prophète عليه الصلاة والسلام qu'il a annoncé que Allah عز وجل nous a annoncé de Allah سبحانه وتعالى que Allah سبحانه وتعالى sera pour les serviteurs de Allah سبحانه وتعالى se rapproche d'Allah d'un homme pont Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de lui, hein, avec une coudée. Hein, celui qui se rapproche d'une coudée, Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de lui avec une distance encore plus énorme. Plus tu oublies Allah, plus tu as compris ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, plus Allah est proche de toi, ça veut dire quoi? Il est à côté de toi, non, loin de là. Mais il t'aide dans tout ce que tu fais. Il te protège. Il est ton allié dans tout ce que tu fais. Et si tu marches vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un petit peu dans la décadence de celui qui marche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la vitesse vers laquelle il te rencontre, c'est-à-dire avec laquelle il te protège, il te, est beaucoup plus énorme que ce que les pas que toi tu fais. Et si tu cours vers Allah, sa protection et son aide est beaucoup plus rapide que ce que toi tu fais. Hein? Mais le fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala et dire je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui me guide, ni prière, ni rien du tout, et cloué dans le parc, cloué quelque part, que Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Rien ne va arriver. Hein? C'est comme, c'est presque, c'est l'équivalent de celui qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est de la moquerie. Et la personne en réalité se moque de lui-même. Parce qu'il n'y a rien sans rien. Tu veux la protection d'Allah. Tu veux que tu sois accompli dans le bien. Tu veux, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite toutes les situations. Il faut que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu accomplisses les obligations. Il faut que tu accomplisses les surrogatoires. Il faut que tu avances. Il faut que tu sois insoumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Hein? Comme il a promis sa protection à ceux qui accomplissent. Et qu'il soit avec toi, le fait d'être avec toi, c'est pas qu'il soit à côté de toi, là yakh al-islam. Cet accompagnement, c'est un accompagnement particulier. Il te protège. Il te oriente que vers, il te fait accomplir que les choses qui sont bonnes. Et ainsi de suite. Et dans n'importe quelle part dans laquelle l'impasse que tu es, il te sort de là. Et tu le facilites. Hein? هذا l'accompagnement de Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minin, il est particulier. Hein? Il n'est pas avec eux, loin de là, a'oudou billah, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Hein? Mais avec, il est avec les croyants, il voit, il leur facilite la situation, il connaît leur situation, il leur rend toute situation facile, il leur facilite l'obéissance. Hein? Et dans n'importe quel impact, au moment où ils ne s'attendent pas, ils ont les su. هذا l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses croyants véridiques. ولهذا يقول الشيخ فنقول لمن يزعم انه يترك العمل ويتكل على ما كتب نقول له اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت الكتب وبين الخير وبين الخير ورغب فيه وبين الشر وحذر منه واوتيت عقلا فلا عليك الا ان تقوم بما تقتضيه بما يقتضي هذا العقل من اتباع ما جاءت به الرسل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Cheikh Rahmatullah Alayhi dit, c'est pour ça, nous disons à ceux qui prétendent délaisser les œuvres et ne rien faire, et s'appuyer et attendre ce qui leur a été destiné, ce qui est écrit dans l'Allah al-Mahfouz. On dit à ceux-là, œuvrez. Les messagers ont été envoyés, les livres sont descendus, et le bien... Hein? Les éclaircissements du bien ont été faits. Et les éclaircissements du chemin du mal ont été faits et on vous êtes avertis contre le mal. Et on vous a incité à faire le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné des raisons. Vous a donné des raisons. Hein? Donc il faut œuvrer et accomplir ce qu'implique votre raison. Ce qu'il implique comme faites de suivre les messagers alayhi salatu wa salam et de ce qu'ils ont transmis et les voies vers lesquelles ils ont appelé. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit œuvrez, tout un chacun lui sera facilité la voie pour laquelle il a été créé. Et il a cité le verset du Coran: quant à celui qui donnera, qui préservera le droit d'Allah et qui prendra comme véridique le husna ici, la ilaha illallah, qui prendra comme véridique la parole de l'unicité, celui-là, nous allons lui faciliter le chemin. Et celui qui est avare et qui se détourne et qui ne prend pas comme véridique la parole de l'unicité, celui-là, la situation lui sera difficile. Donc celui qui œuvre, celui qui donne, qui s'acquitte de la zakat, qui donne aux pauvres, et celui qui préserve les droits d'Allah, qui prend comme véridique la parole d'une unicité, etc., qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il aura la facilité. Et le chemin du bien lui sera facile. Mais celui qui est avare, qui ne donne pas aux pauvres, et qui ne prend pas comme véridique la parole de l'unicité, tout va lui être difficile. Il sera dans des situations difficiles. يقول الشيخ وهؤلاء الذين يحتجون بالقدر لو ضربهم أحد أو أخذ مالهم ثم احتج عليهم بأن هذا قضاء وقدر فلا يقبلوا ولهذا فالاحتجاج بالقدر إبطال للشرع لأن كل من يقترف إثما من زنا أو قتل أو شرب خمر وغيره سيقول هذا قضاء وقدر فتفسد الأرض ويفسد الشرع. Il dit, Cheikh Hafidhahullah al-Sahara, c'est pour ça ceux qui prennent comme preuve et comme argument le destin pour faire ou pas, pour ne pas œuvrer et pour faire le mal. Cela, il dit, si tu donnes une claque à quelqu'un parmi eux et que tu prends comme preuve comme quoi c'était écrit dans le destin que je te claque, est-ce qu'il va accepter? La même chose. Pourquoi il prend maintenant, il fait le mal, pourquoi il prend le destin comme preuve? Tu es dans la route, tu es sur la route, tu lui prends sa femme ou sa fortune. Tu dis le destin, et tu écris dans le destin que je prends ta femme et ta fortune. Il va accepter? Il transgresse les lois d'Allah. Il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prend le destin comme preuve. Et lui, le moindre mal que quelqu'un va lui faire sévir, il n'accepte pas le destin. Où il est le hic? Le hic, il est en quoi? On n'a pas le droit de prendre le destin comme preuve pour désobéir à Allah, ou là pour faire le mal, ou quoi que ce soit. Parce que si on agit de la même sorte avec nous, on ne va pas accepter. Donc, walihala, et c'est pour ça, le fait de prendre le destin comme preuve, c'est annuler la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout un chacun qui va tomber dans le péché, dans l'adultère, le vol, la boisson alcoolique, etc., il va dire, ça c'est mon destin. Et donc dans ces cas-là, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas s'accomplir. Et dans ces cas-là, il va y avoir quoi sur terre? Le mal. Donc, c'est nul et avenant et non valide le fait de prendre le destin comme preuve pour le mal qu'on fait ou pour notre manque de d'obéissance, etc. وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فأمر بقطع يده فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره فقال عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمله السيء. On rapporte que le prince des croyants Omar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه, on lui a ramené un voleur. Il a ordonné qu'on lui coupe la main au niveau du poignet. Et ce voleur s'est tourné vers le prince des croyants et lui a dit, Amir al-Mu'minin, si j'ai volé, c'est le destin qui a voulu que je vole. Omar ibn al-Khattab l'a regardé, il lui a dit aussi, le destin veut qu'on te coupe la main. La même chose. Toi, tu prends comme argument le destin pour faire le mal, mais nous, on prend le destin comme argument pour accomplir la sentence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a pris la même argumentation. Cela, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre le destin comme preuve pour faire n'importe quoi. Parce que le destin, on ne sait pas ce que... Tout à l'heure, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. وقد يورد البعض هنا ما جاء في السنة من احتجاج آدم على موسى بقوله أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق وذلك حين قال موسى لآدم خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه في الحجة إيه استخدام تضمني une ambiguïté ici. Donc ce qui est rapporté dans la Huzza, dans la Sunna, entre ce débat qu'il y a eu entre Adam et Moussa alayhi salam, où Adam a accompli la preuve contre Moussa alayhi salam. Moussa a reproché des choses à Adam alayhi salam. Et Adam lui dit, tu me réprimandes et tu me reproches quelque chose qui a été écrite. Avant mon existence. Et quand Moussa a rencontré Adam, il lui a dit, tu nous as fait sortir du paradis, tu es sorti toi-même et tu nous as fait sortir avec toi du paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, aux compagnons, il leur a dit, Adam a accompli la preuve contre Moussa. Aïe, il l'a vaincu avec la preuve. فقال أهل العلم أن موسى لم يلوم آدم على ما وقع منه من المعصية والأكل من الشجرة وإنما ذكر المصيبة وهي الإخراج من الجنة. Et les hommes de science disent que Moussa n'a pas reproché à Adam la désobéissance qu'il a fait, qui est le fait d'avoir mangé de l'arbre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de toucher. Mais tout simplement, il lui a rappelé la catastrophe dans laquelle il a fait tomber sa descendance, qui est le fait d'être sorti du paradis. Wa Moussa, a'lam wa afqah. Wa adab min an yalouma abahu ala danbin qattaba minha. Et Moussa, il a la science, il a la jurisprudence, il est doué d'un noble comportement pour réprimander son père, Adam, ou pour lui reprocher un péché duquel il s'est repenti déjà. وقال الله فيه وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Il dit dans le verset que Adam a désobéi à son Seigneur, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, et Adam s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. وَإِنَّمَا كَانَ الْعَتَبْ مِنْ جِهَةِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ مُصِيبَةٌ وَيَجُوجُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَحْتَجَّ بِالْقَدْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِكَ بَلْ مِنْ تَقْدِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. La réprimande et le reproche qu'avait fait Moussa alayhi salam, il ne lui a pas reproché le fait de la désobéissance, mais il lui a reproché le fait tout simplement, c'est que le fait d'avoir désobéi à Allah, il les a fait sortir du paradis. Et ça, c'est une catastrophe. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, il est permis à l'être humain de prendre le destin comme preuve contre une catastrophe. Il m'a été prouvé cette catastrophe. Ce n'est pas un mal de prendre le destin pour la catastrophe. Qadar Allah ma shafa'al, hada qadar Allah, ça c'est le destin d'Allah. Car cette catastrophe, ce n'est pas ton acte. Mais il t'a été destiné min Allah azza wa jal. Wa nadhiru dalika, yaqulu al-shaykh, رجل سافر فأصيب في سفره بحادث فجئت تلومه على سفره فلا يتوجه هذا اللوم لأنه لم يسافر من أجل الحادث وسيقول لك هذا بقضاء الله وقدره ويقبله منه هذا. Et l'équivalent de tout ça, pour la comprendre au mieux, un voyageur qui a, quelqu'un qui a voyagé, un homme qui est parti en voyage. Et durant son voyage, il lui est arrivé un accident, catastrophe. Et tu es venu lui reprocher son voyage. Et donc, le reproche ne va pas vers le fait qu'il n'a pas voyagé, mais le reproche il va vers la catastrophe qui lui est arrivée. Hein? Et celui-là, il va dire, ça c'est le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun mal à ce qu'il dit, ça c'est le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu lui parles de la situation, ça c'est, min Allah azza wa jal, qadar Allah ma sha'a fa'al, ça c'est la situation que Allah, subhanahu wa ta'ala, a destinée, et Allah, subhanahu wa ta'ala, fait ce qu'il veut. Wa hakada Adam, fahuwa lam ya'kul min ash-shajarati min ajli an yakhruja min al-jannah. Il en est ainsi d'Adam, il n'a pas, parce que l'homme qui a voyagé, n'a pas voyagé pour avoir une catastrophe. Hein? Mais la catastrophe est arrivée durant le voyage. Il en est de même de Adam, alayhi salam. Il n'a pas mangé de l'arbre pour sortir du paradis. ولكن الشيطان وسوس له وقاسمه وغره فنسي ما عهد الله إليه ألا يقرب هذه الشجرة فحصلت المصيبة وخرج من الجنة. Mais Shaitan a rempli Adam de وسواس. Il lui a promis que la situation va être meilleure, qu'il va être éternel, etc. Shaitan a oublié le pacte qu'il a fait avec Allah, qu'il ne doit pas toucher l'arme, qu'il ne doit pas s'approcher de cette arme. Et au moment où il s'y est approché, il est arrivé la catastrophe qui est le fait d'être sorti du paradis. فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة وهذا جائز لا بأس به. Et le fait que Adam a pris le destin comme preuve pour la catastrophe, ceci dit Cheikh Al-Uthaymeen est valable, il est permis. Hein? Mais le fait de faire la désobéissance, d'être en tête, là c'est, la catastrophe est arrivée. Et la personne il dit, qadar Allah wa ma sha fa'al, c'est le destin d'Allah et Allah. Mais le fait que toi tu fais le mal et tu dis ça c'est mon destin, il y a une grande différence entre les deux. Entre toi, tu fais quelque chose, tu ne sais pas ce qu'il va en découler et tu subis un acte. Tu subis une catastrophe qui va découler de l'acte que tu viens de faire. Hein? Et après, tu dis, qadar Allah ma sha fa'al. Entre le fait que toi, tu fais le mal et tu dis ça c'est mon destin. Il y a une grande différence entre les deux. Voilà comme ça. وكذلك يورد البعض ها هنا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمين وهما نائمان لم يقوما لصلاة الليل فكأنه لامهما فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله يعني كنا نائمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فقال المحتجون بالقدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي احتجاجه بالقدر. Et aussi, certains peuvent ramener cette parole qui est rapportée du prophète, alayhi salam. Un jour, une nuit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est allé chez, dans les appartements d'eux, Ali radiallahu ta'ala anhu warda, et Fatima radiallahu alayhi wa sallam. Ils dormaient, ils ne se sont pas réveillés pour faire les prières de nuit. Et comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le reprochait, comme c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le reprochait le fait de n'être pas réveillé pour les prières de nuit. Et Ali a dit, ya Rasulallah, nos âmes entre les mains de, sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, nous dormions, nous étions en sommeil profond. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez Ali. Hein? Il tapait sur ses cuisses, il disait, il est humain, il polémique beaucoup. Il est humain, polémique beaucoup, il tapait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sur ses cuisses. Ceux qui prennent le destin comme preuve, ils disent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, hein, a accepté, hein, le fait que Ali a utilisé le destin comme preuve d'être pas réveillé à la prière de nuit. واجاب أهل العلم عن هذا على ذلك فأجاب عنها ابن القيم بأنهما لم يحتج على الاستمرار في المعصية وإنما على أمر قد فرغ وانتهى وفرق بين شخص يحتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادب عليه ويعزم أن لا يعود إليه، وبين شخص يحتج بالقدر ليبرر استمراره على المعصية، فالأول يقبل والثاني لا يقبل. Et les hommes de science ont répliqué et ont éclairé cette situation. Et notamment, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit que Ali, radiallahu ta'ala, Nouarda et Fatima, ils n'ont pas pris le destin comme preuve pour s'entêter dans la désobéissance. Mais ils ont pris le destin comme preuve sur une situation qui est terminée. Un destin qui a été consommé déjà. Hein? Qui est le fait que le rame, entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils étaient dans le sommeil. Ce soir-là, ils étaient dans le sommeil. Leur destin était qu'ils soient endormis. Hein? C'est quelque chose qui est déjà passé. Il y a une grande différence entre eux. Le fait de prendre le destin sur une situation qui est terminée, qui est arrivée. La catastrophe est arrivée. L'erreur est arrivée. La personne dit « Qadr Allahumma jaf'al ». Et la personne, il regrette ce qui s'est passé. Il regrette l'erreur qu'il a fait. Et il a la ferme résolution de ne plus revenir, de ne plus le refaire. Et c'est différent entre la personne qui prend le destin comme preuve, mais qui s'entête à la désobéissance. Le premier, on accepte de lui, le deuxième, ça ne s'accepte pas de lui. Le premier, il prend le destin sur une situation qui est terminée, ça y est. Il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé à Salat al-Fajr. D'accord ? Qadar Allah ma shafa'al, nos âmes sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Hada sont, cette façon d'utiliser, de prendre comme preuve le destin est accepté. L'autre, là, il prend le destin tout en s'entêtant dans la désobéissance et tout en restant dans la désobéissance. Il prend le destin comme preuve et comme pour repousser. Hein, et pour ne pas être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, lui, il met en avant ce qui lui est arrivé. Il regrette. Hein, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, lui, non. Il prend le destin comme preuve pour ne pas accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et pour rester dans la désobéissance. Et il y a une énorme différence entre les deux. يقول الشيخ العثيمين وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج، وليس كذلك من يحتج بالقدر ليبرر خطأه ويستمر عليه فهذا لا يقبل أبدا. الشيخ رحمة الله عليه الدي un éclaircissement extraordinaire que l'être humain, quand il commet un péché, il regrette ce péché, il prend comme preuve le destin, dit Qadar Allah ma sha fa'al, il regrette, il se repent, il dit il n'y a aucun mal d'utiliser le destin dans ces cas-là. Il dit Qadar Allah ma sha fa'al, Allah subhanahu wa ta'ala a destiné ce qu'il veut. Et la situation n'est pas la même pour celui qui prend le destin pour s'il est senté du mal qu'il fait et des erreurs dans lesquelles il est. Il prend le destin comme preuve pour s'il est senté lui-même et pour trouver une excuse à ses erreurs dans le destin. Hada non. Entre lui et la première situation, il y a une énorme différence. Hada qu'il accepte ses erreurs, il se repent, il regrette, et Hada non, il prend le destin comme preuve pour continuer, et pour être dans la désobéissance, c'est énorme. وإن قال قائل ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على شركهم بمشيئته وما أثبته الله أن شركهم وقع بمشيئته فقد قال سبحانه ولو شاء الله ما أشركوا مع ما سبق قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. Et il dit, rahimahullah ta'ala, si quelqu'un dit, comment on peut unir entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu nul le fait que les associateurs ont pris comme preuve de leur associationnisme le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé un vouloir aux associateurs. Il dit dans le verset, si Allah le voulait, ils n'auraient pas associé. Il dit dans notre verset, ceux qui ont associé, ils auraient dit, si Allah le voulait, on n'aurait pas associé. C'est quoi le point d'union entre, hein, entre comment réunir ces textes? يقول الشيخ رحمه الله فالجمع أنهم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون إن تعذيب الله لهم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم ثم يعاقبهم عليه أما الآية الأخرى فهي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام أن الله تعالى أن لله تعالى حكمة في وقوع الشرك من بني آدم ولو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة على الحق لكن ليبلو بعض الناس ببعض. Le point d'union entre les deux cas de figure, c'est que ils prennent comme preuve le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Mashi'a, pour repousser le fait d'être réprimandé. Ils disent que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils prétendent que c'est un châtiment injuste. Et que Allah il leur a destiné la mécréance et que son châtiment est injuste. Pourquoi il les châtie? Et dans l'autre verset, le verset est comme en quelque sorte un apaisement pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui annonce à son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que le fait que le socialisme existe sur terre, ceci y a une sagesse min Allah Azza wa Jal, et que si Allah subhanahu wa ta'ala a prévu l'associationnisme, que certains tombent dans l'associationnisme, c'est pour alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le voulait, il aurait fait que l'humanité soit une seule communauté dans le monothéisme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu prouver les uns par les autres. Le fait que l'associationnisme existe, c'est pour éprouver les uns avec les autres. Les monothéistes sont éprouvés par les associateurs. Hein? Pour avoir plus de mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et bon, le fait que les associateurs, ils disent, si Allah le voulait, on n'aurait pas été associateurs, si ils oublient qu'eux-mêmes aussi, ils ont une volonté. Ils ont un vouloir, et que leur vouloir est suspendu au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au moins ils s'accrochent au vouloir pour soi-disant ne pas subir l'injustice et pour prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et ceci est faux et nul, il n'a pas lieu à être. Puisqu'ils avaient une Mashi'a aussi, hein, et ils ont reçu les messagers alayhi salatu salam, ils se sont détournés de la voie vers laquelle ils appellent les messagers alayhi salatu salam. Thumma qala alayhi salatu salam, wa shaqiyun am sa'id, al-shaqa'u wa al-khayba, wa adam idrak al-amal, wa al-sa'adatu hiya al-najatu wa al-falah wa husulu al-amal, wa huma fi al-dunya wa al-akhira. Il a dit, alayhi salatu salam, dans ce hadith, « Et malheureux ou heureux que lui s'est écrit à ce fœtus dans le ventre de sa mère, qu'il soit heureux ou malheureux. » Chaka, qui est la tristesse, c'est quelque chose de mal. Et de ne pas arriver aux bonnes choses et aux meilleures choses. Et le bonheur, c'est avoir la réussite. Et avoir les choses qu'on espère qui sont bien. Et les accomplir. Et ça arrive dans ce bas monde et dans le de la shaqa, et sa'ada, se font dans ce bas monde, se vivent dans ce bas monde et dans le de là. Fashaqiyu fi dunya shaqiyun fi l'akhira. Et Cheikh, rahimahullah ta'ala, de nous dire, et celui qui est shaqi ici, le sera aussi dans le de là. Parce que le croyant est apaisé aussi dans ce bas monde, avec sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il est attristé ici, malgré que tu le vois dans les anges, etc. Il est malheureux ici dans ce bas monde, malgré tout ce que tu vois. Et ses bonheurs, ses réjouissances sont limités dans le temps. Et dès que la cause du bonheur a été terminée, il lui faut une autre cause, tout le temps. Mais pas comme le croyant. Le croyant, lui, sa quiétude, il la trouve dans sa soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa lecture du Coran, etc. Et son bonheur, il l'a accompagné parce que sa foi, il est tout le temps avec lui. Il le rappelle d'Allah, il fait de se rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala, et tout le temps dans son esprit. Donc, sa réjouissance, elle est continuelle avec lui. Il est traversé par certains moments de tristesse, etc., et de faiblesse, etc. C'est normal, c'est un être humain. Mais ce n'est pas comme le mécréant. Ce n'est pas comme celui qui est dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Hua, il se fatigue déjà beaucoup pour avoir les moyens qui vont lui ramener le plaisir. Et il les a après de grandes tristesses, de grands trucs, etc. Tous ces moyens que tu connais, pour y arriver, ben il se fatigue beaucoup. Et ça lui prend beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, beaucoup de sa personne. Et une fois qu'il les a, le moment de réjouissance qu'il a avec est très minime. Donc il rebelote, il faut refaire. Et combien même la situation dans laquelle il se trouve, dans la désobéissance, à prendre un plaisir du moment, comme il croit que c'est un plaisir, au fait de se saouler, etc. Et combien le lendemain matin, cette saoulerie qu'il a pris hier, dans laquelle il croit qu'il a pris un plaisir, le lendemain matin, la gueule de bois, le fait d'avoir mal au foie, etc. Et toute la journée, il la passe dans la maladie, à chercher un médicament au poison. Tristesse. Ce bonheur dans lequel il croit acquérir et avoir acquéri, c'est résulté avec quoi? Avec une tristesse et avec un malheur pour lui. Hein? Et avec une dégradation de sa santé. Et il fait l'analogie de tous les moyens avec lesquels ils arrivent alors, le pervers arrive à son bonheur éphémère de ce bas monde. Il faut d'abord acquérir l'argent pour avoir ce moyen. Et ce qu'il en résulte après, c'est tout un des états secondaires après, qui ne sont pas louables. Et des fois, pour certains, ça les amène à des cirrhoses de foie, ça les amène à des grandes maladies dans lesquelles beaucoup de personnes vont être malheureuses. La femme est malheureuse, les enfants sont malheureux, les parents sont malheureux. Et vas-y, laisse-moi te finir. Alors que le croyant, lui, hein, il ne s'attriste pas, il ne s'impose pas des choses, il fait le moyen pour arriver à sa subsistance, etc. Il oublie à son souverain, etc. Il sait que si la chose doit, il doit l'acquérir là, s'il était dans son destin, il l'aura. Il utilise le moyen, mais il a la tranquillité de l'esprit. Hein? Et quand il s'endort tranquille. L'autre côté, le désobéissant à Allah, jamais il trouve la tranquillité. Il est tout le temps préoccupé par ce moyen qui va lui donner un bonheur éphémère. Alors que le croyant, lui, hein? Il fait quelques invocations de Allah subhanahu wa ta'ala et Shaitan ne veut pas qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il tout de suite il tombe et il dort. Hein? L'autre, avec tout ce qu'il utilise, et en plus de son foi, vas-y, va lui chercher un tronc de sel, là un valium simple, vas-y, pour qu'il puisse dormir, il n'arrive pas à fermer les yeux. Et combien de fois, il les ferme même avec un tronc de sel, là un valium, là. Et à 5h du matin, fini, ou là 2h du matin, fini, plus, le cauchemar. Il tourne. Tristesse. Hein? La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être dans la débauche ne ramène que la tristesse. Il faut les écouter parler. Laisse-les parler pour te parler de leurs états et tu vas voir. Et tu comprendras. Hein? Ce que ça veut dire Allah bidikrillah et tatma innul qulub. Certes, avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'appellent. À ce moment-là, tu le comprendras. Quand tu auras écouté. Hein? Calvaire par lequel il passe pour chercher un bonheur éphémère qui ne dure pas très longtemps, il comprendra le bienfait dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé quand il a ouvert ton cœur et quand il t'a accompli dans son obéissance et dans le suivi de son messager. Allez, ça tout ça. Chacun qui finit à chacun qui l'a et celui qui est triste ici le sera aussi dans le delà, dit Cheikh Abdallah, rahimahullah. والسعيد في الدنيا سعيد في الآخرة. Et celui qui est réjoui ici dans ce bas monde le sera aussi dans le delà. La réjouissance dans le sens réjoui avec sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera réjoui aussi dans le delà. ولكن سعادة الدنيا ليست بكثرة المال والولد والمتاع وإنما بالعمل الصالح. ودليل ذلك قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بشرط وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صالحا وهو مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى. Et donc, le réjoui dans ce bas monde le sera aussi dans le delà. Mais la réjouissance et le bonheur dans ce bas monde, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de fortune, hein, beaucoup d'argent, etc. Hein, ce n'est pas le fait aussi d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de confort, beaucoup d'enfants, etc. Hein. Mais la réjouissance s'acquiert avec quoi? Avec la bonne œuvre, dont les deux piliers principaux sont la sincérité et le suivi. La preuve en est ce verset qui dit, celui qui fait une bonne œuvre, qu'il soit mâle ou femelle, en étant croyant, à la condition qu'il soit croyant, celui qui fait une bonne œuvre, en étant mâle ou femelle, c'est-à-dire la condition d'être croyant, d'être soumis à Allah, celui-là vivra la bonne vie. Les autres, ils vivent, mais ils ne vivent pas la bonne vie. La bonne vie, il n'y a que celui qui a... qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui la goûte. Hein? Et celui qui n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie. Mais peut-être que sa vie ne dépasse pas la vie du bestiau, qui est le fait de manger, de boire et de prendre les plaisirs comme fait n'importe quel animal. Hein? Boire, manger, se coupler, etc. Puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais la réelle vie, la vie dans laquelle il y a la bonté, c'est celle qui est dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle dans laquelle la personne, hein, du matin au soir, il accomplit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il laisse, dans son comportement avec ses enfants, avec sa femme, etc. Il accomplit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dans le suivi de son messager, alayhi salatu. Hada, il verra, il vit la bonne vie. Même si à l'apparence l'autre tu le vois, hein, télécommande, il sort avec la cabriolet, avec la décapotable, dernier cri de n'importe quoi. Mais si tu l'entends parler, de quoi il est préoccupé et comment son psychique il est malade, tu sauras. Hein. Il a tristesse dans laquelle il est. Parce qu'il est éprouvé tout simplement, parce que son cœur est suspendu à une petite fillette, et cette fillette, son cœur à elle, est suspendu à quelqu'un d'autre, et lui, il vit le calvaire. Hein? Et vas-y, ça n'en finit pas. Avec son Boeing, son jet privé, et avec tout ce qu'il veut. Hein? C'est pour ça, le plusieurs d'Allah, il me disait, c'est les rois, savaient le bonheur dans lequel on vivait intérieurement, ils nous auraient fait la guerre avec leurs épées. Hein? Parce qu'il y a un paradis dans ce bas monde qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Rentre dans ce paradis celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît réellement Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et qui met en application dans sa vie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est dans un suivi de Mohammed Ali Sen, il rentre déjà, il a la clé de ce paradis, il rentre, il y vit déjà. Et hada, il ne s'obtient pas avec les jets privés et avec quoi que ce soit. Hada, il s'obtient à soumettre sa face à Allah subhanahu wa ta'ala, à être dans un suivi aveugle de Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est tout. C'est le seul chemin qui t'amène vers ce chemin-là. Il n'est pas donné à avec Bac plus 10 ou là avec Bac plus 50. Hein? Loin de là. Il est donné avec le fait de parfaire et d'accomplir ton attestation de foi. Ni digne d'être adoré Allah qu'Allah et ni digne d'être suivi comme Mohammed alayhi salatu wassalam. فلا حياة طيبة إلا لمن عمل عملا صالحا وهو مؤمن سواء كان ذكرا أم أنثى. Donc il n'y a pas la réelle vie et la bonne vie que pour ceux qui œuvrent la bonne œuvre, qui accomplissent la bonne œuvre, en étant croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, en étant croyant, en œuvrant comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, en faisant les actes sincèrement pour Allah et dans le suivi de Muhammad alayhi sallam, ceux-là auront la meilleure des vies et la plus bonne des vies dans ce bas monde. Et dans le delà, ce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a pu entendre parler de ce qui les attend là-bas, et aucun cœur ne soupçonne ce qui les attend dans le delà. وحياة المطرفين ليست طيبة لأن لديهم من التنغيص والنكد ما يتكدر به العيش. الشيخ de nous dire, il a vu de ceux des fortunés, l'excès de la fortune, etc. Il dit ce n'est pas bon, car ils ont des choses qui viennent dénigrer leur bonheur et qui viennent leur rendre la vie triste. Il y a des choses qui font que leur vie est triste. فتجده إذا فاتته درة من الطرف انقبض وانزجع وأصيب بالضغط والبلاء. Tu le trouves, s'il rate quelque chose parmi les choses qui font le confort, etc. C'est des trucs, par exemple, qui sortent à petite série. S'il la rate, tu vois, il est imprimé. Pourquoi les autres n'ont eu, pourquoi il n'a pas eu, etc. Et c'est le souci de femme. Hein? Préoccupation, il se mord les doigts. Rien du tout, rien du tout. Il se fait des villes, il augmente son ulcère pour rien du tout. أما المؤمن فلو فاته هذا الشيء فهو مطمئن راض بقضاء الله وقدره لا يهم هذا الشيء ما دام من عند الله عز وجل. Quand on croyant, il a fait les moyens pour arriver à une situation ou là une chose, mais il n'a pas eu. Rien ne change pour lui, il a la quiétude d'intérieur. Parce qu'il sait que le destin, ce qui est décrété min Allah Azza wa Jalla, et lui, il lui appartient d'utiliser le moyen. Et après cela, subhanahu wa ta'ala, on va décider, lui, il l'accepte sans problème. L'autre, de l'autre côté, qui baigne, qui est pris dans sa fortune, etc., qui n'a pas la croyance dans le destin, etc., ben lui, il n'a pas cette quiétude-là. S'il rate une affaire, ou là, il rate quelque chose, c'est le calvaire pour lui. Hein? C'est le calvaire pour lui. Et ça, cette situation est énorme. Une grande situation. Quelque chose de très particulier que le vit, que le connaît, que le croyait. C'est lui qui est tranquille, qui sent cette situation-là. Quand ils entendent parler des affaires qu'ils ont ratées, etc. Mais il ne sait pas que le destin est mis en bas. Tu utilises le moyen. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est pas arrivé, c'est pas un problème. Et ça, tu lui trouves chez le croyant. Hein? Donc, le frère croyant, la sœur croyante, le couple croyant. Il a fait le moyen, c'est pas arrivé. Rien, comme si de rien n'était. Soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, acceptation du décret de Allah subhanahu wa ta'ala, acceptation du destin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'empêche pas de dormir. Ni il attrape un ulcère, ni rien du tout ça. Ni il se mord les doigts. Parce qu'il sait que rien ne peut se passer sur le Allah. Pour qui que ce soit. ولهذا فالمؤمن بين امرين اما شكر على نعمه واما صبر على ضراء كما قال عليه الصلاه والسلام وعليكم السلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ابو السلام Ça, c'est le croyant, il est dans, de tout ce qui lui arrive, il est dans deux situations. Quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant, il remercie Allah. Et quand il lui arrive une épreuve ou un malheur, il patiente et il endure, il sait que la situation est min Allah Azza wa Jal. Et comme, wa alaykoum salam, comme il a dit Rasulullah alayhi wa sallam, extraordinaire la situation du croyant, et cette situation n'appartient et n'est due qu'aux croyants. Quand il lui arrive un bien, il est reconnaissant, il est remerciant. Il le remercie et il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un bien pour lui. Et quand il lui arrive une catastrophe, il patiente et il endure, et ceci est un bien aussi pour lui. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Il n'y a que le croyant qui agit ainsi. Il a un bien, il reconnaît. Hein? les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à arriver à malheur. Peu importe. Hein? Il sait que c'est min Allah, ben il patiente, il endure, son enfant il meurt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh, wa kullu shay'in 'indahu bi kitab, et la situation et la vie continue. Une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en acceptant. Hein? Et ça, cette situation n'atteint que le croyant. Celui qui a parfait la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a parfait la connaissance du destin, qui a parfait la connaissance de tous les piliers de la foi, celui-là, il arrive à ce degré-là, et il n'a que l'agrément dans ce bas monde, et la réjouissance dans ce bas monde, et ce qu'il attend, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus. وقال بعض السلف رضوان الله عليهم لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف وقد صدق والله فالملوك وابناء الملوك في طرف لكن المؤمن وان لم يكن في طرف فهو في نعيم قلب فالانسان تكتب سعادته وشقاوته وهو في بطن امه لكنه لا يعذر بترك السعي للسعادة بل هو مأمور بأن يسعى لما فيه سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة. Et comme il est passé avec nous, Cheikh le cite ici, certains puiseurs d'Allah, il me dit, si les rois et les enfants de rois savaient la situation dans laquelle nous sommes, ils nous auraient fait la guerre avec leur épée. Et il dit, par Allah, celui qui a dit cette phrase, il a dit vrai. Les rois et les enfants des rois sont dans une nuisance et dans un confort total. Mais le croyant, même s'il n'est pas dans le confort, il est dans un délice du cœur, et dans un repos total de son cœur. Et il dit l'être humain, le fait d'être heureux et le fait d'être malheureux, il est déjà prescrit avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. C'est-à-dire au moment où l'ange, il sait 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, mais au moment où l'ange reçoit l'ordre min Allah Azza wa Jal d'écrire le destin d'un fœtus, ben il est écrit que cette personne sera heureux, malheureux, dans le ventre de sa mère. Mais il n'a pas d'excuse, l'être humain n'a pas d'excuse de courir et d'utiliser les moyens qui vont lui prévaloir le bonheur. Et sa réussite dans ce bas monde et dans le delà. Même si le destin est déjà écrit, on n'a pas à s'endormir. Il faut qu'on œuvre et qu'on fasse les œuvres qui vont nous ramener à notre bonheur dans ce bas monde et dans le delà. On n'a aucune excuse dans le destin. On n'a aucune excuse dans le destin. Donc on va arrêter là, Inch'Allah. On reprendra tout de suite après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا